La cérémonie de constitution du comité de souvenir du général Kim Jong-il du Congo démocratique a eu lieu le 17 à Kinshasa. Et le 18, la cérémonie de constitution du comité de souvenir du général Kim Jong-il au comité exécutif national ougandais du mouvement panafricain. Les comités ont décidé d'organiser significativement des cérémonies politico-culturelles à l'éloge de sa vie révolutionnaire et de ses exploits immortels à l'occasion du 5e anniversaire de son décès. Par ailleurs, toujours à l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, le comité sud-africain pour le souvenir du généralissime Kim Jong-il est constitué le 17 au Parti communiste sud-africain et le comité norvégien pour le souvenir du général Kim Jong-il le même jour.